L'équipe de 50. The sense of 50. Si c'est 15e ou 16e, je ne sais même plus. I don't even know what I said to know. The sense of 50. Si c'est 15e ou 16e, je ne sais même plus. I don't even know what I said to know what. J'ai prêché toute la journée. I preached the whole day. Et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires, amen. And God is doing extraordinary things. C'est la Pâque aujourd'hui, n'est-ce pas? It's Easter today, isn't it? On appelait ça auparavant la Pâque des Pharisiens. We call it before then the Easter of Pharisees. Mais c'est pas la Pâque des Pharisiens. But it's not the Easter of Pharisees. I'll prove it to you. Le jour de la chute dans le jardin d'Éden. The day of the fall of Les gens aiment toujours dire people like to say, le jour que Jésus, okay, le jour que Moïse the day that Moses est allé libérer le peuple went to free their people, de Dieu en Égypte. The people of God from Egypt. Non, ce n'est pas le début de la Pâque, ça. That was not the beginning of Easter. La Pâque a commencé le jour de la chute. Easter started the day of the fall. Et je vais vous le prouver. And I'll prove it to you. Le jour de la chute dans le jardin d'Éden. The day of the fall of the Garden of Eden. Les lumières, là, ne savent même pas c'est quoi le problème ici. C'est une mancade ici. Je veux parler assis, c'est pas ma coutume, mais comme je suis en direct. Si, ça a mon nom. Ici. Amen. Okay, c'est une bonne chose. It's a good thing. J'ai dit, la Pâque a commencé. Genèse chapitre 3. Genesis chapter 3. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Share the video, please. Chapitre 3. Chapter 3. À partir du verset. Half of verse. 15. Verse 15. Rapidement. Quickly. Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, il est écrit. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça fait deux royaumes. These are two kingdoms. Le royaume du diable. The kingdom of the devil. Et le royaume de Jésus. And the kingdom of Jesus. Là, Dieu est en train de faire une promesse. There, God is making a promise. Au diable. To the devil. Que voici ce qui va se passer. That this is what is going to happen. Parce que tu as amené la chute. Because you have brought the fall. Parce que tu as introduit le péché. Because you have sent sin. Dans le monde. Into the world. Il y aura l'inimitié. There is going to be enmity. Il n'y aura pas d'entente. There will not be agreement. Il y aura une guerre. There's going to be a war. Entre ton royaume. Between your kingdom. Et mon royaume. And my kingdom. Emmanuel. Emmanuel. There was a problem. Le problème central. The central problem. C'est que l'homme a désobéi. It's because man disobeyed. Quand l'homme a désobéi, and when the man disobeyed, Dieu a pris la décision. God took the decision. De maudire. To curse. Et Dieu a maudit. And God cursed. Il a maudit le premier couple. The first poverty est spirituel. Is spiritual. Lorsque tu vis sans Dieu, when you are living without God, comme Ephésiens le dit, like Ephesians was le chapitre 2, chapter 2, que tu étais privé, that you were deprived, du droit de citer, of the right of the city, en Israël, in Israel. C'est pas Israël le physique, it's not the physical Israel, Israël spirituel, but it's the spiritual donc Israel, le royaume de Dieu, like the kingdom of God. Adam depuis ce jour-là, he was deprived, du droit d'entrer, of the right to enter, au ciel, il mangera, he said you shall eat, à la sueur, from the sweat, de ton front. Face. Et Adam est sorti. And Adam went out. Pauvre comme un ver de terre. Poor like an earthworm. Avec sa seule femme. With his only wife. Sa femme Eve. His wife Eve. Sans enfant. Without a child. Ils ont commencé à faire des enfants. They started bearing children. Le premier enfant. The first child. S'appelle Caïn. Is called Cain. Lui, he, qui est d'ailleurs, who is of le fondateur, the founder, de la première ville du monde. Of the first town of the world. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Share the video, please. Vous allez entendre des révélations aujourd'hui. You are going to hear revelations. Ce que vous n'aviez jamais entendu. Because you've never heard about that. Sur la Pâque. Concerning Israël. Coronavirus. Because COVID-19. Vous faites of a little virus. Mais but aujourd'hui, today, vous allez connaître la puissance de Dieu. The power of God. Alors, so, Monsieur Adam est sorti. Mr. Adam went out. Avec sa femme. With his wife. Pas avec ses femmes. With sa femme. With his wife. Not with women. Là où il y avait la bénédiction. Where the blessings were. Il y avait une bonne nourriture. There was a good food. La nourriture qu'il a créée. The food that he had was good. La nourriture qu'il a créée. Mais dans la ville de Caïn. But in the town of Cain. Il y avait plus de Caïn. That is like the church. L'église primitive. The primitive church. L'église avant la chute. The church before the fall. C'est l'église primitive. It was the primitive church. Après la résurrection de Jésus. After the resurrection of Jesus. Après la résurrection de Jésus. After the resurrection of Jesus. C'est deux églises là. Those two churches. Mais il y a une autre église. But there is another church. Celle de Caïn. That one of Cain. La Bible dit c'est lui au chapitre 4. The Bible says in chapter 4, c'est lui Caïn, that he came, qui a créé la première ville au monde, that created the first town in nous the world. Let's read. Genèse chapitre 4, verset 17, il est écrit. Il est écrit. Caïn connut sa femme. Caïn connut sa femme. Elle conçut. Elle conçut. Et enfanta Enoch. Et enfanta Enoch. Enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom. The name of that town, according to the name of his son Enoch. Hein? Il a bâti la ville. So he built a town. Le Caïn que tu avais maudit, the Cain that God cursed, après avoir tué son frère, after killing his brother, le même Caïn, the same Cain, la Bible dit, the Bible says, il est du diable, he's from the devil. Pitre, in the dans le Nouveau Testament. On reconnaît que Caïn est du diable. We acknowledge that. Et c'est lui qui bâtit la ville. And he's the one. Le même modèle de ville que nous avons aujourd'hui. The same of town that we have. Avec des boîtes de nuit. With nightclubs. Avec des fétichiers. With fetishes. Avec des bars. With bars. Avec des immeubles. With buildings. Où on n'adore pas Dieu. Where we don't avec des coutumes. With customs. Avec des traditions. With traditions. Avec tout ce que vous savez de la ville. What you know about avec les sacrifices humains. Avec le banditisme. On adore l'argent. Dieu est devenu une idole dans toutes les villes. C'est la ville, l'idée de la ville est venue de Canaan, de Caïn. The idea of town came from Caïn. Est venue de Caïn. It came from Caïn. Monsieur Caïn. Mr. Caïn. Il bâtit une ville. He built a town. Et la Bible dit, ah, le créateur de la première ville du monde, the creator of the first town of the world, est du diable. Is from the devil. Hey. Qu'est-ce que j'entends aujourd'hui? What am I hearing today? Est du diable. It's of the devil. 1 Jean. 1 Jean. Chapitre combien? Il dit de ne pas ressembler à Caïn. God says don't resemble Cain. C'est ça là que vous cherchez longtemps comme ça. Vous n'avez même pas honte. 1 Jean chapitre et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et n'est pas ressemblé à Caïn. Et n'est pas ressemblé à Caïn. Qui était du malin. Qui était du malin. Qui était du malin. Et qui tua son frère. Et qui tua son frère. His brother. Et pourquoi le tua. Et pourquoi l'un de son frère était juste. One of his brother was righteous. Dans la ville de Caïn. In the Bible of dans King. Toutes les villes du monde, on ne tue pas. The towns of the world, don't they kill. Est-ce qu'on ne tue pas. Don't they kill. Hein. Are est-ce qu'on ne tue pas? Are they not killed? Dans toutes les villes du monde. In all the towns of the world. Est-ce qu'on ne tue pas? Don't they kill you? Dis à ton voisin, on tue. Allez par Dieu. Cain was not believing in God. Lui et son frère. He and his brother. Ils ont essayé de donner. They tried to give. Les offrandes à Dieu. The offering to God. Il a donné des pourris, pourris fruits. He gave back rotten and rotten fruits. Les fruits de la dernière récolte. Voilà l'église de Caïn. That was the church of. C'est l'église du Cameroun. That's the church of. L'église de Caïn. That's the church. On donne des miettes. They give crumbs. Là les villes du monde. One of the towns of the world. On donne quoi à Dieu là-bas? What do they give to God there? Hein? Yes. Les jetons. They give coins. Town of Cain. But dans le jardin, but in the garden, Dieu a dit de manger quoi? God told us to eat what? De manger les fruits. To eat but fruits. De manger les légumes. To eat but vegetables. De manger les graines. To eat but seeds. Les fruits d'arbres. The fruits of the trees. Dieu a donné des arbres. God has given us trees. Pour vous détruire. Destroy you. Est-ce que l'homme a besoin des vaccins? World. Ça s'appelle le système immunitaire. It is called a defensive system. Plus puissant que tous les vaccins du monde. It is more powerful than all the vaccines. Ça s'appelle le système immunitaire. It is called a white blood cells. Mais qu'est-ce qui s'est passé? But what happened? Pour que tous les systèmes immunitaires, for all that defensive system, soient détruits. A avalé combien de comprimés? So how many tablets did Adam swallow? S'il n'avait pas le même sang que toi. Is he not having the same blood like you? S'il n'avait pas le même cerveau. Is he not having the same brain? S'il n'avait pas les mêmes cellules. Is he not having the same blood cells? S'il n'avait pas les mêmes ongles. Is he not having the same? S'il n'avait pas les mêmes cheveux. Is he not having the same hair? S'il n'avait pas ce qui change. Is he not having? Il a vécu dans un environnement sain. It's just he live in a very pure environment. Sainteté veut dire holiness. La sainteté physique. From God. Mais la mort n'est pas intervenue le même jour. But they did not intervene. La mort physique. The physical. Il mangeait les fruits. He was eating the fruits. Il cultivait et mangeait. La science vient de Caïn. The science of the God of Cain. C'est lui. He is the one. Il bâtissait les villes avec quelle intelligence? So he was building the towns with which intelligence? Il est sur les autres. One upon the. Verset 29, il est écrit. Il est écrit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Voici. Voici. Je vous donne toute herbe portant de la semence. Je vous donne toute herbe portant de la semence. Et qui est la surface de toute. Et qui est la surface de toute la terre. De toute la terre. Et tout arbre avant lui. Et tout arbre. Ayant en lui. Ayant en lui. Le fruit d'arbre. Le fruit d'arbre. Et portant de la semence. Et portant de la semence. Did he follow the same rule? Elle est belle. Encore, c'est l'église de Noé. Alcohol is the church of Noah. Ça c'est l'église de Noé. That's the church of Noah. Dans l'église de Noé, in the church of Noé, Noé fut le premier à créer une brasserie. So Noah was the first to create a brewery. Et pourtant Dieu l'avait sauvé. Meanwhile God saved him. Du déluge. From the flood. Quand le gars est sorti, when that man came out, il est sorti. He came out. Il est sorti de l'arche. He came out of the ark. Il a mis les pieds dehors. And he stepped outside. Le diable est venu. The devil came. Pourquoi? Why? Parce que because il avait dans son sang, he was having in his le péché, the sin originaire, the original, les malédictions originaires, the original curse, l'eau du déluge, the water of the flood, will not ôter ce péché, can take away that sin. So the devil, the l'eau du baptême, that the water of ne peut pas ôter le péché. Et qui est de nouveau? Born again? Non, c'est pas le baptême. Lave ton corps, lave ton âme, mais c'est le sang de Jésus. Et c'est pourquoi nous parlons de la Pâque. C'est le sang de Jésus qui a le pouvoir de détruire le péché originel, le péché héréditaire, personnel et toutes leurs malédictions. Ce sont les conséquences de tous ces péchés. C'est le sang de Jésus qui a été mandaté pour faire ce travail. Et non le nom du baptême. Mes péchés, that takes away my qui me délivre, that delivers me. Et puis maintenant, and now, je suis dans l'église de transformé, le pain transformé, le manioc transformé, tout est transformé. Voici les aliments qu'on trouve dans l'église de Caïn et dans l'église de Noé, and in the church of Noah, après la sortie de l'arche. After leaving the ark. Et la Bible dit, and the fruit a bu le vin. Est-ce le fruit à l'alcool. Does fruit have any alcohol? Quand tu entends, tu penses que le fruit à l'alcool. So when you hear it, hein? Je prenais le jus du palmier. So I was taking the juice from the palm. Ce qu'on appelle vin de palmier, c'est un jus. It was a juice. On abat le palmier. They cut down. Ou bien tu montes. Or you go up there. Tu perces un trou. You bust a hole. Et tu mets le récipient. And you put your container. Et ça récolte le jus. And it harvests the juice. Mais ce jus est sans alcool. But that juice is without alcohol. Mais tu peux transformer. But you can then transform it. Tu vas fermenter. You will ferment dans les cuves. In a cuve. Pour préparer le whisky traditionnel. Then to prepare the traditional alcohol. Je fabriquais le whisky traditionnel. I was fabricating traditional whisky. Étant dans l'église de Caïn. Whilst in the church of Caïn. Étant mon père était dans l'église des Pharisiens. My father was in the church of the Pharisees. Et tous mes parents and all my parents fabriquaient le ha. They were fabricating traditional whisky. Et moi aussi, ils m'ont appris à fabriquer. And they also taught me how to do it. Mais ils étaient des chrétiens. But they were Christians. Mais des chrétiens, but pas de nouveau. We were not born again. Ils fabriquaient le whisky traditionnel. They were fabricating traditional whisky. Ils buvaient comme des abeilles. They were drinking like bees. Le arki. They were drinking arki. Ok. All right. Viens prendre le jus de fruits. With the fruit juice. Moi, je faisais ça avec le jus de palmier. I was fabricating mine with the palm tree juice. Et je vendais. And I was selling. À l'époque, le litre coûtait 500 francs CFA. At that time, a liter was costing 500 francs CFA. C'était mon industrie. That was my industry. Écoute, qui m'a donné l'intelligence? Listen, who gave me the intelligence? It's already une industrie du diable. That's the industry of the devil. Comme toutes les industries. Like all. De la science. The author of science. On a commencé à transformer. And so we started transforming. Noé a transformé. Noah's transformed. C'est lui qui est le patron de l'industrie. He's the boss of the industry. Monsieur Noé, Mr. Noah, le patron de l'industrie. The boss of the industry. De transformation. In transformation. Il a bu l'alcool. He drank alcohol. Il a laissé son sexe dehors. And he slept and forgot his. Il a maudit son fils. And he cursed his. Il a maudit le petit-fils. And he cursed his grandson. Quand il s'est réveillé. When he woke up, à cause de l'alcool, you were a kid. Aujourd'hui, today, même dans l'église, ça ne marche pas. Even in the churches, are not moving. Il y avait une femme. There was a lady. Les gens sont assis. Where people are sitting. Et rien ne marche dans leur vie. Nothing is moving in their. Dans l'église des Pharisiens. These are the churches of Pharisees. Il y a plusieurs églises dans there ce pays. Many churches in this qui country. Sont des églises de Pharisiens. These are the churches of Pharisees. Dans cette église de Pharisiens, church of Pharisees. Il y avait une femme. There was a lady. Et cette Bible dit. The Bible says, nous lisons. Let's read. Luke chapitre 13, à partir du verset 10, il est écrit. Il est écrit. Jésus enseignait dans une des synagogues. Jésus enseignait dans une des synagogues. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme. Il y avait là une femme. Possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Elle était courbée. Quand on parle de l'infirmité, when we talk about infirmity, vous voyez l'infirmité physique. You see the physical infirmity. Non, no. Il n'y a pas que l'infirmité physique. It's not only the physical. Il y a aussi l'infirmité spirituelle. There's also spiritual infirmity. Aujourd'hui, today, pensant qu'ils sont dans les îles de réveil, thinking they are in the revival church, mais aucun don de Saint-Esprit. No gift of the Holy Spirit. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. They don't even have the Holy Spirit. Aucun don. No gift du Saint-Esprit. From the Holy Ghost. C'est une infirmité spirituelle. It's a spiritual infirmity. Des gens qui ne lisent pas la Bible. People who don't read the Bible. C'est une infirmité spirituelle. Leur vie spirituelle est courbée. Their spiritual life is bad. La Bible dit la femme. The Bible said the lady. Et pour comment? She was infirme. Infirme. She was bent. Depuis 18 ans. 18 years. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout. Arrêtons-nous d'abord sur l'infirmité. Let's stop there from that infirmity. Elle était infirme. She was infirm. Spirituellement. She was les gens qui sont infirmes. People who are spirituellement. Spiritually. Ne prient pas beaucoup. They don't pray. Et comme il y a déjà un masque sur leur nez. And since they have a mask on their nose. Coronavirus. Against coronavirus. On impose à tout le monde de porter le masque. They impose to everybody to put on a mask. Et ils ont des bouches maintenant. And they have their mouth now. Comme quoi? On va bien attacher ta bouche. Aujourd'hui, today, tout le monde a la bouche attachée. Everybody has his own mouth. Tu vois, il passe. You will see him passing. Comme le chien. Tu as vu le chien qui est méchant? You see a wicked dog. On fait comment pour sa bouche? On doit museler sa bouche. They have to cover their mouth. Comme le cheval. Like a horse. No. L'humanité, the whole humanity, porte ça maintenant sur sa gueule. The, chaque personne, put on that on your mouth. Il y a la loi qui dit au Cameroun à partir de demain. There's a law in Cameroon. À partir de ce lundi, as from this Monday, si tu sors, if you go out, sans que ta bouche soit attachée, without your mouth being tied up, personne, you will pay 6,000 pounds. Personne. Et quelle malédiction! What an insult! What a ride like horses! Ça c'est l'église des pharisiens. Of the Pharisees. Mais il y avait une femme dedans. But there was a lady in there. Quand Jésus est entré, when Jesus entered, il a vu une femme. She saw a lady. Tu es dans l'église en infirmité. You are delivered from your infirmity. L'infirmité dans le mariage. Infirmity from your marriage. Ton mariage est courbé. Your marriage is bent. Parce qu'il y a une infirmité. Because there is an infirmity. Qu'est-ce qu'on appelle mariage courbé? What do we call a bent marriage? Qui peut m'expliquer? Your man, husband beats you. Comme tam-tam. Like a drum. Ton mari te donne rien. Your husband gives you nothing. Ton mari ne te touche même pas. Your husband doesn't even touch mais you. Mais il peut te prendre dehors. But he has other women. Il peut faire avec toi sur le même lit. He can do it with you. Un mois, deux mois, trois mois. 1 month, 2 months, 3 months. Le jour que tu poses ta main là sur lui, tu sens mauvaise sur les narines de ton mari. You even hear the smell of tu vas porter tous les perruques du monde. You wear all the wigs of the world. Qui est tous les projets l'homme prend l'engagement. Toi qui s'occupes. C'est toi la femme qui prend la culotte. La Bible déclare que l'homme doit pouvoir au besoin de sa femme. Mais aujourd'hui là, et dans l'église. Hey! You are bent spiritually. Il y a des hommes qui sont pires. Mal au cœur pour te donner 5 minutes. C'est le problème de notre progrès. Professionnellement parlant. Étudiant à l'université. Tu es déjà dans les réseaux sataniques. Parce que tu veux l'emploi. Tu vas travailler dans une banque. Et tu entres dans les réseaux. Voilà l'église des pharisiens. C'est pas l'église du miracle. C'est pas l'église de la force. C'est pas l'église où tu marches sur le serpent. Jésus-Christ est la mort. Et quand tu reçois le Seigneur, pourquoi tu continues à souffrir? Pourquoi? Il y a quelque chose dans ta vie tu reçois le Seigneur, when you receive the Lord, Dieu ne produit pas les miracles pour tout le monde. God does not produce miracles for Il everybody. Produit le miracle pour celui qui a cru. Produces miracle for the one who les gens disent, alors si vous allez, où sont les pasteurs qui parlent des miracles? So they say, what are the pastors talking about? Qui chasse alors pourquoi tu the person qui est né de nouveau, who is born again, et Dieu te donne le pouvoir, and God gives you the marcher sur coronavirus. Coronavirus. C'est ça le miracle. That is the miracle. Non, no. Coronavirus ne peut pas me toucher moi. Coronavirus cannot touch. Ne peut pas toucher aussi. Cannot also touch. La personne qui a reçu Jésus. The person who have received. C'est pourquoi la Bible dit, that's why the Bible says, mille vont tomber à gauche, 10,000 à droite, et tu ne seras jamais à terre. C'est ça le miracle. Coronavirus va passer. Il va tuer 40,000 en France, 1,000,000 aux États-Unis, 1,000,000, il va tuer Cameroun, il va tuer partout en Afrique, et toi tu resteras toujours vivant, et tu seras toujours debout. C'est ça le miracle. Les gens disent, oui, le pasteur venait faire le miracle. Dans des traditions criminelles, tu vas adorer l'argent, tu vas quitter les sectes, tu vas quitter les réseaux sataniques. Non, la Bible dit répentez-vous. Vous devez vous répentir. C'est ça. C'est ça l'évangile. C'est pas qu'on va stopper quand il y a prophétie. C'est pas l'évangile ça. On ne peut pas stopper ce qui avait déjà été prophétisé par Dieu. Dieu dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ils seront stoppés. Pour quelqu'un qui reçoit Jésus. C'est ce qu'on appelle être, on appelle être sauvé. Je suis sauvé des temps difficiles. Coronavirus va tuer tout le monde. Financièrement, il va tuer tout le monde. Matériellement, il va tuer tout le monde. Physiquement, sauve-moi. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que moi, il prophétise sur moi. Mais la Bible déclare. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute du chair, vos vies dans le taxi. Il est déjà écrasé. Tu prophétises sur toi. Tu ne vas pas attendre que tu ailles se voir prophétiser sur toi. Tu prophétises. À chaque fois que tu mets pied dans moi, à chaque fois que tu prophétises sur tes enfants, dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours. Vos jeunes gens auront des visions. Ils auront des visions. Vos jeunes gens, vos fils et vos filles prophétiseront. Aujourd'hui, dans l'église des pharisiens, on va chercher les miracles chez les prophètes. On va à gauche, on va à droite. Coronavirus, tu nous as pas tout tué. Il finira par tout tuer. Je cherche le miracle. Il y a l'onction là-bas. Pourquoi toi tu n'as pas d'onction? Why don't you have anointing? L'onction est réservée pour une catégorie de personnes. So anointing is reserved for certain categories of people. Ça c'est l'église des pharisiens. These are the Pharisee church. Il y a l'église de Pierre. There is the church of Peter now. Et dans l'église de Pierre, and in the church of Peter, il y avait Ananias et Sapphira. There was Ananias and Sapphira. Dans l'église de Pierre, in the church of Peter, il y avait Ananias et sa femme. There was Ananias and his wife. Hein? Hein? Donc même dans l'église de Pierre, so even in the church of Peter, dans le Nouveau Testament, in the New Testament, c'est grave. It's serious. Dans l'église de Pierre, in the church of Peter, Pierre reçoit l'onction. Peter received the anointing. Jésus dit à Pierre. And Jesus told Peter, tu es Pierre. You are the stone. Et sur cette pierre, and on that stone, je bâtirai mon église. I shall build my church. Et les portes and the doors du séjour des morts of the state of ne the prêteront plus contre cette église. Shall not reign above that church. Mais il y a dans l'église de Pierre. But there is in the church of Peter. Quelqu'un qui va mourir. Something who, somebody who will die. À qui cette parole? To whom these words? Ne peut sauver. Cannot save. Pierre est venu. Peter came. Il a mis la parole en pratique. He put the words into practice. Il a évangélisé. He evangelized. La Bible dit. The Bible says. Ce jour-là. That day. 3,000 personnes. 3,000 people. Quittent le monde. Left the world. Quittent l'église. They left the church. De Caïn. Of Cain. Et de Noé. And of Noah. Et des pharisiens. And of the Pharisees. Ça, ce sont des religions. These are religions. Ils se convertissent. And they were converted. 3,000 personnes. 3,000 people. Acte chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. À partir du verset 41, il est écrit. À partir du verset 41, il est écrit. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là. Mais dans l'église des pharisiens, on baptise les enfants. In the church of Pharisees, they baptize children. On devenait des juifs de un enfant. But those who accepted his words, en pleine conscience, and with their conscience, ils ont fait le choix. They made the choice. J'accepte ce qu'il dit. I'm accepting what he said. It's true. Furent baptisés. Okay, baptized. Sapphira. His wife Sapphira. He was taking the Lord's Supper. Il buvait le sang de Jésus. Drinking the blood of Jesus. Il mangeait le corps de Christ. He was eating the body of Christ. Okay. Vous dormez. Voici le corps de Christ. This is the body of Christ. Et la Bible dit, and the Bible says, Ananias était là. Ananias was there. Ananias. Ananias. A mangé le corps de Christ. The body of Christ. He ate. Il regarde sa femme. And he looked at his wife. Qui représente Ananias ce soir? Who is representing Ananias this evening? Lève-toi. Stand up. Ananias était là. Ananias was there. Et c'est en commun. C'était une église belle. Ce n'était pas des petits sacrifices. It was not a small sacrifice. C'est que quand on sait, il est en 50 000. People give 5,000. Il va dire, j'étais chez Talitoma. J'ai dépensé mon argent. Je n'ai rien obtenu. Ananias aussi était chez Pierre. Ananias. Il a dépensé. Meanwhile, he spent. Il était dans le groupe de Pierre. He was in the church of Peter. Les chrétiens de l'église de Pierre. The Christians of the church of Peter. Parce qu'il y a ceux de l'église de Pierre. Because there are those of the church of Jesus. And those of the church of Jesus. Ananias était dans l'église de Pierre. Ananias was in the church of. Je suis dans l'église de tel pasteur. I'm from the church. L'église de tel pasteur. I'm the church of that pastor. Mais écoutez, listen. Arrêtez de rigoler. Stop playing. J'ai donné mon argent à tel pasteur. I've given my money to this pastor. J'ai acheté le costume au pasteur. Les sorciers viennent sur les réseaux. Wizards come. Vous donnez vos offrandes au pasteur. You give your offering to vous the pastor. Vous donnez vos dîmes au pasteur. You give your tithe to the pastor. Et il en partageait le produit entre tous. Hey, quelle église! C'est terrible. Une église mauvaise. Fabulous church. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Non, 4, verset 32, à partir du verset 32. Il est écrit. Il est écrit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que. Dans l'église de Pierre, la multitude de ceux qui avaient cru n'était que. Quelqu'un. Ananias était aussi. Oui. Nul ne disait que c'est bien la patence. Ananias partageait tout ce bien. Ananias was selling. Mais avec quel esprit? But which sweet spirit? Qu'est-ce qui était le fond de son âme? What was in the deepness of his soul? Oui. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Quand vous avez une église comme ça, when you have a church like that, mais vous avez l'onction triple, you have a l'onction baptisante, parce que les gens dorment, il y a sacrifice, sacrifice, il y a pas réellement un problème. It's not really a problem. Tu ne gémis pas. Don't groan. C'est une église méga église personnelle. Même sur Ananias, une grande grâce. Pourquoi il n'y avait pas un seul pauvre dans cette église? Why were there not even one poor person? People were giving. Bandit. Because you bandit. Vous croyez réfléchir. You think you vous croyez avoir l'intelligence. C'est l'intelligence de Caïn. That is the intelligence of Cain. Qui donnait des miettes à Dieu. That was giving. Et Dieu l'avait maudit. God cursed. Ça c'est l'église de Caïn. That's the church of Cain. Après, il est allé bâtir les villes. Il avait que quelqu'un essaie de vendre. Hey! Hey! Dieu a commencé à tuer comme il a tué Ananias avec Coronavirus. God has started killing as he killed Ananias. Tu entends, il y a tel enfant qui, de Dieu qui est mort, tel pasteur qui est mort. Hey! Coronavirus est ici, attachez les bouches, prenez l'alcool. Take alcohol. Tout ça c'est rien. All this is nothing. Tant que ton côté spirituel, as long as your spiritual ne marche pas, is not moving. La Bible dit ton âme. What's the state of your soul? Tu dois te repentir. You need to repent. De toutes les boissons, from all the drink que tu bois, that you drink, qui détruisent ton corps, that destroys your body. Les boissons gazeuses, that's God's drink. Et que tu dis, moi je ne bois pas l'alcool. You say, I only what you're drinking. C'est quoi? Tout ce que tu bois pas. You say you don't drink. Tout ce que tu manges. Or what you were eating. Si je te pose des questions aujourd'hui. If I ask you the question. Tu as mangé quoi depuis le matin? What have you eaten from morning? Toi, tu as mangé quoi depuis le matin? What have you eaten since the morning? J'ai mangé des gâteaux. Les gâteaux, pâtisserie. You... Et vous allez passer d'une église à l'autre. C'est pour prendre le coronavirus. That is why coronavirus. J'ai mis cette vidéo sur mon compte Facebook. I place that video on my Facebook. Ouvre ton téléphone. Open your phone. Tu le cherches ça. Set si ton téléphone a des unités. If your phone a des méga internet. Airtime. Vos téléphones sont d'ailleurs chinois. Vos nourritures chinoises, vos habits chinois. Nous savons que les Chinois sont les patrons de la compagnie de fabriquer le riz pour vous. Ils vous fabriquent du riz. Ils vous envoient le riz. Même le riz est chimique. And even the rice is chemical. Voilà ce que les gens mangent. That is what people eat. Dans les villes de Cayenne. In the towns of Cayenne. Les oignons. Tie your nose. Tu as déjà dit non? Tie your nose. Pas vous. Vous connaissez pour vous, vous avez loué Yamaya. Hey! Hey! C'est quel pays ça? What kind of country? L'alcool, c'est des milliards qui sont gaspillés. Alcohol is billions that are spent. Même les feuilles. Les Chinois ont leur médecine traditionnelle, naturelle. Natural. Le Cameroun n'a rien. Cameroonien. Que le fétiche. Que la sorcellerie. Witchcraft. Que la sorcellerie. Only witchcraft. Ils disent qu'ils sont intellectuels. They say they are intellectual. 100 000. For you to give 100,000. Qui représente? Peut-être 135 euros. That represents only 130 euros. Il faut qu'on te convainc avec 10 000 versets bibliques. They have to convince you with 10,000 Bible verses. Tous les pasteurs ont des maux de tête aujourd'hui. All the pastors have headaches today. Un homme nommé Ananias. Mais dans tout ça, that, il y avait un homme qui s'appelait Ananias, qui était dans cette église. Il a vu tous ces miracles. Il a vu comment les gens donnaient. Et lui aussi s'est levé. Un homme nommé Ananias. Avec sa fille et sa femme. Vendit une propriété. Il retint une partie du prix. Sa femme le sachant. C'est pas que sa femme ignore. The wife does not ignore. Il y a des saphirs dans les églises. There are saphirs in the churches. Il y a des ananias dans les églises. There are ananias in the church. He took part of the price. Il l'a mis dans la poche. Part of the money pocket. Il l'a donné à sa femme. And he gave to his wife. Sa femme dit, il nous faut d'abord une maison. The wife told him, we first of all need a house. On dépense trop d'argent dans cette église. We're spending too much money in this church. Vous dépensez tout votre argent dans les hommes. Spending all your money with charity. Oui. Puis il apporta le reste. Il a apporté le reste. Au pied des apôtres. Et il a déposé l'argent. And he deposited the money des apôtres. À des fils. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Parce que tu es Ananias. Ananias a donné. Et on l'a tué. Dieu l'avait tué. Sa fille a donné. Et il fut, elle fut tuée aussi. Moi je te promets, il le fait. Ça dépend de la manière dont tu donnes. Which you give. Faut arrêter. So stop. Moi je donne. Et puis je n'obtiens pas. And obtain nothing. Donc c'est Dieu qui ment. So it's God who is a liar. Il faut que. Every day Satan feels your head. Pour tromper le Saint-Esprit. To fool the Holy Ghost. Et tu penses que tu trompes Charisson. And you think you're fooling Daddy. Pour tromper le Saint-Esprit. You are fooling the Holy Ghost. Et toi tu penses que c'est Charisson parce que tu trompes. And you think that is Papa Saint-Esprit. Mais c'est pas moi, mais tu manques l'église. Pour vous, sincèrement. Tous les programmes. Les semaines de la délivrance. The week of deliverance. Semaine de Pâques. The week of cette semaine. And this week. Semaine d'évangélisation. The week of evangelism. Semaine à la maison. Mais si tu es à l'étranger, mais si tu es à Yaoundé, il faut venir ici. Parce qu'il y a que de partir de 6h jusqu'à 18h. Et maintenant, tu nous suis sur les réseaux. Now you listen to us on the network. Chaque 20h. Every 8 p.m. Chaque 20h. Every 8 p.m. Il faut être muni. You have to have ceux qui sont à Yaoundé. Those... Il faut envoyer. Send. Et le Dieu que nous servons, and the God we serve, le Dieu de Pierre, the God of Peter, le Dieu de Paul, God of Peter, le Dieu d'Abraham, God of Abraham, mon Dieu, my God, il ne te tuera jamais. He will never kill. Il ne laissera jamais qu'on ne vienne te tuer. Amen. Oui, c'est fini maintenant.